Cinéphiles de notre temps tentent, comme tout le monde, de s'adapter au confinement et de trouver quelques échappatoires durant ces longues semaines d'isolement. Cette fois-ci, on s'associe au collectif Grave, qui organise des séances de courts-métrages chaque mois afin de montrer des films pirates, des films dormant dans des disques durs, des films qui ne passeront jamais au cinéma et devant vos yeux à moins d'un miracle. Ce collectif, dont Clément et moi faisons partie, a donné un espace de parole et de mouvement à des jeunes réalisateurs et réalisatrices pour qu'ils puissent faire voir leurs films et en discuter avec un public. Aujourd'hui, on a choisi de donner notre micro à ces jeunes réalisateurs et réalisatrices afin de leur poser cette question désormais rituelle dans notre podcast. Quel est votre film refuge ? On laisse le soin à notre invité de déterminer ce que refuge veut dire pour lui. Pour nous, cela reste un doux échappatoire où se poser, le temps d'un film, pour respirer hors du monde. C'est au tour de Colette, réalisatrice du beau, parler d'elle, projetée lors de la seconde séance de Grave et étudiante au cinéma à la Fémis, de nous livrer ses films refuges, ou plutôt les films qui ont adouci certains moments de sa vie. Bonjour à tous. Fan Monté m'a proposé de répondre à une question pour Cinéphile de notre temps. Et la question est, quel est ton film refuge ? Et je pense que c'est une question qui se pose à pas mal d'entre nous en ces temps de confinement. Et en fait, moi, étrangement, la première réponse qui m'est venue, c'est que j'avais pas vraiment de film refuge, parce que j'ai l'impression que j'ai rarement utilisé le cinéma comme un moyen de me protéger ou d'oublier le monde extérieur, mais que plus souvent, je regarde des films un peu pour me confronter en fait à la réalité et pour me réconcilier aussi avec elle. Et donc voilà, c'est pas quelque chose, je me réfugie pas vraiment dans les films. C'est pas forcément des espaces rassurants pour moi. Et puis je revois aussi très rarement les films qui m'ont le plus marqué. J'achète parfois le DVD pour les avoir avec moi, mais c'est vrai que j'ose peu les regarder et parfois j'ai même un peu peur de les revoir parce que j'ai peur que l'émotion soit plus la même et j'ai envie de garder intact les sentiments que j'ai eus la première fois que je les ai vus. Donc maintenant de plus en plus quand même je les revois, mais ça reste rare et c'est toujours avec beaucoup de précautions. Après, comme il faut quand même répondre à la question, le premier film qui m'est venu en tête, c'est La Mélodie du Bonheur de Robert Wise, qui est sorti en 1966. Et en fait, j'y ai pensé parce que c'était un film que je regardais, que j'ai beaucoup, beaucoup vu quand j'étais petite avec ma grand-mère, pendant que mon grand-père faisait la sieste, et qui du coup reste un film rassurant pour moi. Je me souviens que quand j'étais petite, je sautais les passages avec les bonnes sœurs et aussi les passages au début du film avec le capitaine Von Trapp quand il est un peu encore très autoritaire. Et je les sautais parce qu'il me faisait peur et du coup il me restait du film que les moments qui me faisaient plaisir et les moments souvent joyeux quand même dans le film et rassurants. Et donc voilà, c'est un film dont j'ai acheté le DVD et que j'ai revu une seule fois, plus grande. Et je l'ai revu en version française parce que voilà, moi c'est les intonations, les voix, les chansons que je connais par cœur en français qui me rappellent mon enfance et qui me replongent un peu dans mon souvenir ou dans mes souvenirs par rapport à ce film. Et du coup surtout pas en version originale, même si je suis sûre qu'elle est très bien, mais je l'ai jamais entendue. Voilà. Après, s'il fallait parler d'un autre film refuge, plus dans le sens où moi je l'entends, qui serait un film qui me permet un peu de me réconcilier avec le monde, ce serait L'argent de poche de François Truffaut, qui est sorti en 1976. Et c'est un film que j'ai vu aussi assez jeune, je devais avoir 12-13 ans. Et en fait, je m'étais disputé très sévèrement avec mon père et je me souviens que je devais aller au cinéma, je sais plus du tout pour voir quel film, et évidemment la dispute m'avait fait rater la séance de cinéma et du coup j'étais vraiment dans une colère noire et en fait en bas de chez moi il y avait un vendeur de DVD et je suis allée acheter un DVD avec mon argent de poche justement et c'était L'argent de poche de Truffaut. Et je l'ai vu du coup dans ma chambre sur mon ordinateur, ce que je détestais faire à l'époque. Et en fait, en sortant du film, tout d'un coup, j'aimais tout le monde. Ma colère était complètement passée, ce qui était rare parce que d'habitude, je tenais à ce qu'elle dure jusqu'à la fin de la journée. Et je me souviens que je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé la rue et les passants et j'avais vraiment envie de faire des câlins à tout le monde. Et donc, ça reste un film très important pour moi, à la fois pour ce souvenir-là et aussi pour certains moments assez poétique où je me suis dit en fait le cinéma c'est génial, ça permet de faire ça et voilà. Après du coup je l'ai revu peut-être une ou deux fois seulement quand même et c'est vrai que c'est un film en fait où je me suis aperçue évidemment en le revoyant, mon regard a changé et j'ai vu que c'était pas seulement un film joyeux et poétique sur l'enfance mais que il abordait aussi des sujets plus durs, mais qui, moi, m'étaient complètement passés au-dessus de la tête au moment où je l'ai vu pour la première fois. Et donc, j'essaye de quand même pas le revoir trop souvent, aussi pour préserver un peu ce regard que j'ai eu et cette émotion que j'ai ressentie en le voyant à 12 ans. Voilà. Et après, sinon, si on entend film refuge comme un peu un endroit concret où on aimerait aller se réfugier, une sorte de pays... je pense que le film dans lequel j'aimerais vivre, ça pourrait être Minnie et Moscovitz de Cassavetes, qui est sorti en 1972. C'est les deux acteurs principaux, c'est Seymour Cassel et Jenna Roland. Et c'est un film que j'ai vu il y a un ou deux ans et que j'ai pas revu depuis, donc j'en parle encore une fois avec des souvenirs un peu vague, mais c'est vrai que dans ce film, donc l'histoire c'est un homme et une femme qui vont se rencontrer et une histoire d'amour va naître entre eux, mais une histoire d'amour assez conflictuelle au début et en même temps très généreuse. Et je me souviens notamment d'une séquence où le personnage de Seymour Cassel réussit à convaincre le personnage de Jenna Roland de se mettre à danser, mais de se mettre à danser sur un parking, donc un endroit où on n'est pas censé se mettre à danser. Et on sent que le personnage de Jenna Roland est à la fois honteux et en même temps heureux de faire quelque chose comme ça qui ne se fait pas habituellement. Et après, le personnage de Seymour Cassel fait des acrobaties sur le parking. Et il y a un truc d'énergie comme ça corporelle qu'on retrouve souvent chez Cassavetes et qui, je trouve, fait beaucoup de bien et qui donne envie, en fait. Ça donne envie un peu de faire la même chose. Moi, quand je vois des films de ce réalisateur, j'ai souvent envie après d'aller courir dans la rue. Ou de... voilà, et c'est une énergie et une façon aussi de vivre. Le personnage de Seymour Cassel peut paraître un peu fou, justement parce qu'il fait pas les choses comme tout le monde, parce qu'aussi il refuse de les faire comme tout le monde, et que du coup il se permet, et dans cette séquence sur le parking, il permet aussi à la femme de faire des choses qu'on fait pas habituellement, qu'on devrait pas faire, et c'est ça qui est assez libérateur. Et du coup voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup cette idée, et j'aime beaucoup cette nécessité de rester dans l'énergie qu'il y a dans les films de Cassavetes et de garder toujours l'envie de quelque chose, même si c'est indéfini, une envie comme ça qui rend la vie plus intense, plus extraordinaire en fait, à partir du moment où elle passe à l'action. Et voilà, donc s'il y avait un film dans lequel j'aimerais habiter, ce serait peut-être Minnie et Moscovitz, et j'aimerais beaucoup être avec les personnages dans pas mal de scènes, en tout cas. Voilà, donc c'était mes films refuges, si je peux les appeler comme ça. Et évidemment, je les conseille à tout le monde.